Réponse numéro 5. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Source tirée du hadith connu sous le nom de hadith Jibril, rapporté par Bukhari et Muslim. Arkanul islami khamsa. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. المصدر مأخوذ من حديث جبريل المعروف الذي رواه البخاري ومسلم.